L'ange, écrit par Hans Christian Andersen, lu par Armel. Toutes les fois qu'un enfant bon et obéissant meurt, un ange de Dieu descend sur la terre, prend le petit enfant mort dans ses bras, étend ses grandes ailes blanches, puis voltige ainsi au-dessus de tous les endroits où cet enfant aimait à se trouver quand il vivait encore. Alors, après avoir cueilli un gros bouquet de fleurs, il les rapporte à Dieu dans le ciel où elles redeviennent bien plus belles qu'elles n'étaient ici-bas. Dieu, dans sa bonté infinie, presse toutes ses fleurs contre son cœur. Ensuite, il donne la fleur qui lui plaît le plus dans tout le bouquet, une voix douce et claire, de telle sorte que cette fleur est désormais douée du don de pouvoir chanter et charmer les êtres heureux qui l'entourent. C'est ce que disait un de ces anges du bon Dieu à un petit enfant mort qu'il ramenait au ciel dans ses bras. L'enfant écoutait comme si c'eût été là pour lui un rêve. Emporté sur les ailes légères de l'ange, il passait rapidement au-dessus de tous les endroits où il jouait naguère, alors qu'il était encore de ce monde, et ils traversaient tous deux de la sorte des jardins tout remplis de fleurs, exhalant les plus doux parfums. Quelles fleurs emporterons-nous avec nous pour les replanter dans le ciel ? Dit l'ange. Il n'y avait alors à côté d'eux qu'un seul rosier, bien plus beau pourtant que ceux qu'on peut voir d'ordinaire. Mais quelques mains brutales en avaient capricieusement brisé la tige, de sorte que tous les petits jets qui tout à l'heure étaient encore si verts, si beaux, qui étalaient de si réjouissantes touffes de boutons à moitié éclos, penchaient maintenant, tristes et flétris, vers le sol tout couvert à la ronde du plus fin, du plus doux gazon. « Ah, le pauvre petit arbre !» dit l'enfant en poussant un profond soupir. « Oh, emportez-le aussi avec vous, bon ange, pour qu'il puisse fleurir de nouveau près de Dieu. » Et l'ange le prit avec lui, après avoir d'abord embrassé l'enfant pour ce qu'il venait de dire, et le petit être ouvrit à moitié ses yeux. Ils cueillirent ensuite quelques-unes de ces belles et riches fleurs dont le parfum et la couleur charment l'homme. Ils n'oublièrent ni l'humble fleur du prunier sauvage, ni celle du houx tout entouré d'épines. « Nous avons maintenant des fleurs en abondance, » dit l'enfant, et l'ange fit un signe de la tête comme pour dire « oui ». Cependant, ils ne reprirent pas tout de suite leur vol vers le ciel. Il faisait nuit et un saint silence régnait tout autour d'eux. Ils s'arrêtèrent un instant dans une grande ville, près de laquelle l'enfant avait demeuré, et voltigèrent au-dessus d'une des rues les plus étroites, où des amas de paille, de cendres et d'autres débris informes témoignaient de la nature périssable de toutes choses en ce monde. C'était précisément à l'époque de l'année où l'on a coutume de déménager et d'emménager. Les petites rues paraissaient toutes sales et encombrées. Des fragments de pots, d'assiettes et de plats gisaient là, confondus avec les gravats et les haillons, des fonds de vieux chapeaux d'hommes et de femmes, en un mot, avec une foule d'objets d'un aspect fort peu agréable. Et au milieu de ce bizarre assemblage, l'ange montra à l'enfant les fragments d'un pot de fleurs, ainsi qu'une petite motte de terre tellement desséchée qu'elle avait acquis la dureté de la pierre. Elle était tombée hors du pot, et même dans cet état de dépérissement, elle tenait aussi amoureusement que jamais aux racines embrouillées d'une grande fleur des champs toute fanée qu'on avait sans plus de façon rejetée dans la rue, rien que parce qu'elle était déjà sèche et passée. « Nous l'emporterons avec nous, » dit l'ange, « et en route je vous apprendrai pourquoi. » Et alors ils s'éloignèrent de la terre, et l'ange raconta ainsi son histoire. « Dans cette rue étroite que vous voyez là-bas, un rez-de-chaussée sombre et humide, demeurait un pauvre enfant malade. » Depuis ses premières années, il avait dû rester alité, parce qu'une maladie incurable minait sans cesse sa chétive constitution. Quand il s'était le mieux porté, il avait quelquefois pu se promener de long en large dans sa chambre avec des béquilles, mais ça avait été là tout. Au plus beau jour de l'année seulement, les rayons du soleil pénétraient pendant l'espace d'une demi-heure dans les parties de ce rez-de-chaussée les plus rapprochées de la cour. Quand le petit enfant était assis là, se réchauffant aux rayons du soleil et s'amusant à regarder le sang rouge à travers l'extrémité diaphane de ses doigts, il avait coutume de dire « Ah, aujourd'hui, du moins, j'ai pu sortir ». Il ne connaissait la forêt dans sa magnifique parure de printemps que parce que le fils du voisin lui apportait en guise de branches de l'arbre de mai les premiers rameaux verts du hêtre. Il les plaçait au-dessus de sa tête et rêvait alors qu'il était mollement étendu, heureux et bien portant sous le verdoyant abri des hêtres dont le soleil finissait par traverser l'épais feuillage, tandis que les petits oiseaux gazouillaient tout joyeux autour de lui. Un jour, c'était au printemps, son ami lui fit aussi présent de quelques fleurs des champs, parmi lesquelles il s'en trouvait par hasard une qui avait conservé ses racines. On la planta dans un pot et on la plaça sur la fenêtre non loin de son lit. Elle poussa de nouveaux rejetons qui s'élevèrent autour de la tige mère comme une joyeuse troupe d'enfants. Chaque année, la plante reconnaissante produisait d'odorantes fleurs. Dans sa beauté dénuée de toute prétention, elle devint aux yeux de l'enfant malade un magnifique petit jardin, son petit trésor à lui sur cette terre. Oh, avec quel soin il l'arrosait, comme il veillait sur elle, comme il prenait garde qu'elle ne perdît pas la moindre parcelle de chacun des rayons de soleil qui pénétraient jusqu'à sa croisée si basse, si renfoncée. Quant à la fleur, dans sa tranquille croissance, elle se développait par degrés avec ses rêves. C'était pour lui seul qu'elle déployait la plénitude de cette beauté que d'autres ne regardaient qu'avec dédain. C'était pour lui seul qu'elle s'épanouissait et qu'elle exhalait une si douce odeur. C'était son cœur, c'était ses yeux dont elle faisait seule le bonheur. Aussi, au moment d'expirer, quand Dieu le rappela enfin à lui, le pauvre enfant s'efforça-t-il, par un dernier effort, de regarder encore une fois sa fleur chérie. Il y a déjà un an que ce petit enfant est réuni à Dieu. Pendant toute cette année, la fleur est restée oubliée sur la fenêtre. Tout naturellement, alors, elle a dépéri, et enfin, quand les habitants du rez-de-chaussée ont quitté la maison, ils l'ont jetée dans la rue avec les balayures. C'est précisément cette même fleur, cette pauvre fleur flétrie que nous avons placée dans notre bouquet. Elle a été, en effet, la source de joie bien plus vive que les fleurs les plus magnifiques dans le jardin d'une reine. « Mais comment savez-vous tout cela ?» demanda le petit enfant que l'ange ramenait au ciel. « Je le sais, » répondit l'ange, « parce que c'était moi, le pauvre petit enfant malade qui allait avec des béquilles. Oh, je reconnais bien ma fleur. » Et le petit enfant ouvrit ses yeux bien grands pour regarder la figure de l'ange en ce moment toute radieuse de joie et de bonheur. Il venait juste d'atteindre le ciel où règnent éternellement la joie et le bonheur, et Dieu donna au petit enfant mort de blanches ailes, semblables à celles de l'ange, avec qui il s'envola alors, tous deux se tenant tendrement par la main. À la pauvre fleur fanée des champs, Dieu donna une voix douce et claire. Elle entonna aussitôt l'hymne de gloire avec les anges qui voltigent dans le ciel autour de Dieu, les uns planant près de lui avec leurs grandes ailes toutes déployées, les autres entourant ceux-là et formant toujours des cercles de plus en plus larges jusqu'à l'infini, mais tous également heureux. Et tous chantaient, les petits comme les grands. Le bon petit enfant innocent qui naguère rampait à l'aide de ses ennuyeuses béquilles, tout comme la pauvre petite fleur fanée des champs qui avait été jetée parmi les balayures et qui, le jour du déménagement, gisait parmi toutes sortes d'informes débris au coin d'une rue sale et obscure.